La vie sur le Mississippi de Mark Twain. Le fleuve et son histoire. Le Mississippi est un sujet d'un grand intérêt. Ce n'est pas un fleuve ordinaire, mais au contraire, remarquable à tous égards. Si l'on considère le Missouri comme sa branche principale, c'est le plus long fleuve du monde, 4300 milles. On peut avancer sans risque d'erreur que c'est également le plus sinueux de la planète, puisque dans une section de son cours, il lui faut 1300 milles pour couvrir une distance de 675 milles à vol d'oiseau. Son débit est trois fois plus important que celui du Saint-Laurent, 25 fois plus important que celui du Rhin et 338 fois plus important que celui de la Tamise. Aucun autre fleuve ne possède un bassin hydrographique aussi considérable. Les eaux qu'il reçoit proviennent de 28 États et territoires, du Delaware sur la côte atlantique et de toute la partie du pays qui s'étend entre le Delaware et l'Idaho sur le versant du Pacifique, soit 45 degrés de longitude. Le Mississippi accueille et achemine au golfe du Mexique les eaux de 54 affluents que sillonnent des navires à vapeur et celles de centaines d'autres qu'empruntent des bateaux à fond plat. La superficie de son bassin hydrographique est égale à celle des territoires réunis de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse, de l'Irlande, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de la Turquie. Et cette immense région est presque partout fertile. La vallée du Mississippi proprement dite l'est à un degré exceptionnel. Ce fleuve est remarquable pour la raison suivante. Au lieu de s'élargir vers son embouchure, il s'étrécit, devenant plus étroit et plus profond. Entre sa confluence avec l'Ohio et un point situé à mi-chemin de la mer, sa largeur en période de hautes eaux est d'un mille en moyenne. De là et jusqu'à la côte, sa largeur diminue régulièrement. Aux passes en aval de l'embouchure, elle n'est que d'un peu plus d'un demi-mille. À sa jonction avec l'Ohio, la profondeur du Mississippi est de 87 pieds. Puis cette profondeur s'accroît peu à peu pour atteindre 129 pieds juste au-dessus de l'embouchure. Le Mississippi est aussi remarquable par un autre trait. Sa disposition à faire des bonds prodigieux en coupant à travers d'étroites bandes de terre, redressant et raccourcissant ainsi son cours. Il s'est plus d'une fois diminué lui-même de 30 milles d'un seul bond. Ces raccourcis ont eu d'étranges effets. Ils ont rejeté plusieurs villes fluviales dans les zones rurales et édifié devant elles des barres de sable et des forêts. La ville de Delta était située à 3 milles en aval de Vicksburg. Un raccourci récent a radicalement changé sa position. Delta est aujourd'hui à 2 milles en amont de Vicksburg. C'est ainsi que ces deux villes ont été reléguées dans la campagne. Un raccourci bouleverse les frontières et les juridictions. Par exemple, un homme vit aujourd'hui dans l'État du Mississippi. Un raccourci se forme pendant la nuit, et le lendemain, l'homme se retrouve avec son terrain de l'autre côté du fleuve, dans les frontières de l'État de Louisiane, et assujetti à ses lois. Un tel phénomène, s'il avait eu lieu autrefois dans le cours supérieur du fleuve, aurait transporté un esclave du Missouri dans l'Illinois, faisant de lui un homme libre. Le monde et les livres sont à ce point accoutumés à user et abuser du mot « nouveau » à propos de notre pays, que nous acquérons très tôt et conservons à jamais l'impression que rien en lui n'est vieux. Nous savons, bien sûr, qu'il y a des dates relativement anciennes dans l'histoire américaine, mais ces chiffres ne communiquent à notre cerveau aucune idée juste, aucune conscience claire de l'espace de temps qu'ils expriment. Par exemple, l'année où un blanc vit le Mississippi pour la première fois, il s'était écoulé moins d'un quart de siècle depuis la défaite de François Ier à Pavie, ou depuis la mort de Raphaël, ou celle de Bayard sans peur et sans reproche, ou depuis que les chevaliers hospitaliers avaient été chassés de Rhodes par les Turcs, ou qu'avaient été placardées les 95 thèses, point de départ de la réforme. Quand De Soto aperçut le fleuve, Ignace de Loyola portait un nom encore obscur. L'ordre des Jésuites n'avait pas un nom d'âge. La peinture avec laquelle Michel-Ange avait peint le jugement dernier dans la chapelle Sixtine n'était pas encore sèche. Marie Stuart naîtrait avant la fin de cette année. Catherine de Médicis était une enfant et Élisabeth d'Angleterre pas encore une adolescente. Calvin, Benvenuto Cellini et l'empereur Charles Quint étaient au fait de leur gloire et chacun faisait l'histoire à sa façon particulière. Au moment où De Soto paraît sur les rives du Mississippi, 2 ans vont encore s'écouler avant la mort de Luther. 11 ans avant celle de Servet sur le bûcher. 30 ans avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Rabelais n'est pas encore publié, Don Quichotte pas encore écrit, Shakespeare pas encore né. Et il faudra attendre 100 longues années avant que les Anglais entendent prononcer le nom d'Oliver Cromwell. Indiscutablement, la découverte du Mississippi est un fait qui, situé dans le temps, adoucit et atténue l'éclatante jeunesse de notre pays et lui confère cet aspect respectable qui s'attache aux choses anciennes et mangées de rouille. À quoi rêvent les garçons ? Quand j'étais enfant, mes camarades et moi n'avions, dans notre village de la rive ouest du Mississippi, qu'un rêve proprement inaltérable. Être marinier sur un bateau à vapeur. Nous avions des ambitions éphémères d'une autre nature, mais elles n'étaient qu'éphémères. Lorsqu'un cirque passait, son départ nous laissait brûlants de l'envie de devenir clown. Quand la première troupe de minstrels se produisit au village, pas un d'entre nous n'échappa au désir fiévreux d'essayer ce genre de vie. De temps à autre, nous avions l'espoir que si nous vivions et si nous étions sages, Dieu nous permettrait d'être pirates. Ces ambitions s'évanouissaient les unes après les autres. Seule perdurait celle de servir sur un vapeur. Une fois par jour, un paquebot à bas prix et aux couleurs criardes arrivait chez nous, venant de Saint-Louis en aval, et un autre faisait escale, venu de Keokuk en amont. Avant ces 2 événements, la tente illuminait la journée. Après, les heures étaient mortellement ennuyeuses. Non seulement les garçons, mais le village tout entier ressentait cela. En dépit des années écoulées, je n'ai aucun mal à faire réapparaître devant mes yeux cette époque ancienne telle qu'elle était exactement. La ville blanche somnolente au soleil d'un matin d'été, les rues vides, ou presque, un ou 2 commis assis devant les boutiques de Water Street, le menton sur la poitrine, le chapeau abaissé sur le visage, leur chaise en osier inclinée en arrière contre le mur. Ils sont assoupis avec autour d'eux assez de copeaux pour que l'on comprenne ce qui les a ainsi anéantis. Une truie et sa portée de cochonnet traînent le long du trottoir, faisant d'excellentes affaires parmi les graines et les écorces de pastèque. 2 ou 3 petits paquets solitaires de marchandises éparpillés sur la levée. Une montagne de palettes sur la pente du quai pavé de pierre, à l'ombre desquelles sommeille l'odorant ivrogne du village. 2 ou 3 chalands à bois sont à la mare au bout du quai. Mais personne n'est là pour écouter le clapotis apaisant des vaguelettes contre leur coque. Le grand Mississippi, le majestueux, le magnifique Mississippi roule ses eaux larges de près d'un mille et scintille au soleil. La forêt épaisse là-bas sur l'autre rive. Les 2 pointes de la boucle en aval et en amont de la ville qui limitaient la vue que l'on avait du fleuve et lui donnaient l'aspect d'une mer. Une mer très tranquille, brillante, morne. Bientôt, un voile de fumée noire apparaît au-dessus de l'une de ces pointes lointaines. Et aussitôt, un hacquetier nègre, célèbre pour son œil vif et sa voix formidable, lance son cri. « Vapeur en vue !» Et la scène change. L'ivrogne du village s'ébroue, les commis s'éveillent, et c'est alors un épouvantable fracas de haquets. Chaque boutique apporte son humaine contribution, et, en un clin d'œil, la ville morte est toute vie et mouvement. Haquets, charrettes, hommes, garçons, tous affluent de partout vers un même point central, le quai. Les gens qui y sont rassemblés ont les yeux rivés sur le bateau qui approche, le regardant comme une merveille qu'ils voient pour la première fois. Et il est vrai que le bâtiment constitue un assez joli spectacle. Il est long, effilé, pimpant, ravissant. Il arbore deux hautes cheminées au chapeau fantaisie avec un emblème doré qui oscille entre elles. Un poste de pilotage pittoresque, vitré, tarabiscoté, perché sur le pont du Texas, derrière les cheminées. Les cages des roues à aube sont somptueusement enluminées d'un dessin peint ou de rayons dorés au-dessus du nom du bateau. Le pont de la Chaufferie, le pont Promenade et le pont du Texas sont fermés et décorés de garde-corps d'un blanc immaculé. Un drapeau flotte vaillamment au mât de pavillon de Beaupré. Les portes des chaudières sont ouvertes et les feux rougeoient avec fougue. Les ponts supérieurs sont noirs de passagers. Le capitaine se tient debout près de la grosse cloche, calme, imposant, envié de tous. D'énormes nuages de la plus noire fumée roulent tumultueusement des cheminées, spectacle grandiose que l'on met au point avant chaque escale au moyen d'un morceau de pitch-pain. L'équipage est rassemblé sur le gaillard d'avant. La grande passerelle s'avance, loin au-dessus de l'eau, par bâbord avant, et un matelot, planté à son extrémité avec une glaine de cordage à la main, s'offre plaisamment à l'admiration de tous. La vapeur sous pression hurle à travers les robinets de jauge. Le capitaine fait un signe de la main. Une cloche sonne. Les roues s'arrêtent. Puis elles repartent en sens contraire et l'eau baratée devient une écume bouillonnante et le bateau s'immobilise. Quelle cohue alors ! On monte à bord, on descend à terre, on charge des marchandises, on en décharge d'autres, tout cela en même temps. Et les cris et les jurons que lancent les officiers pour faciliter tous ces mouvements. 10 minutes plus tard encore, le vapeur reprend sa route. Sans drapeau au mât de pavillon de Beaupré, sans fumée noire à ses cheminées. Après 10 minutes, la ville a de nouveau cessé de vivre et l'ivrogne s'est rendormi à l'abri de sa montagne de palettes. That's while I'm crying. I've got the Mississippi heavy water blues. Je veux être apprenti pilote. J'étais à Cincinnati et j'entrepris de faire des plans pour une nouvelle carrière. J'avais lu quelque part que notre gouvernement avait récemment lancé une mission d'exploration du fleuve Amazon. On disait qu'en raison de certaines difficultés, l'expédition n'avait pas pu explorer complètement une partie de la région des sources du fleuve à quelques 4000 milles de son embouchure. Il n'y avait que 1500 milles environ entre Cincinnati et la Nouvelle-Orléans, où je pourrais sûrement trouver un bateau. Il me restait $30, j'allais partir là-bas et achever l'exploration de l'Amazon. Ce fut là toute la réflexion que j'accordais au sujet. L'attention aux détails n'a jamais été mon fort. Je fis ma valise et pris un billet pour la Nouvelle-Orléans sur un rafio antique, le Paul Jones. Pour la somme de $16, j'eus pour moi seul ou presque la jouissance des splendeurs abîmées et décaties de sa salle à manger, car ce bâtiment n'était pas du genre à attirer l'œil des voyageurs avertis. Nous levâmes l'ancre. Le bateau s'élança sur les eaux du large Ohio, et j'étais devenu un être tout neuf, objet de ma propre admiration. J'étais un voyageur. Jamais aucun mot n'avait eu pareille saveur dans ma bouche. J'exultais à la pensée que j'étais maintenant en route pour des terres mystérieuses et des contrées lointaines, sensation que je n'ai jamais éprouvée depuis aussi intensément. J'étais dans un tel état d'excitation que, libéré de tout sentiment vil, je pouvais regarder de haut ceux qui ne voyageaient pas avec une compassion presque entièrement dépourvue de mépris. Pourtant, lorsque nous faisions halte dans des villages et des dépôts de bois, je ne pouvais m'empêcher de me prélasser d'un air détaché sur les garde-corps du pont inférieur pour jouir des regards d'envie que me lançaient les garçons de la campagne sur la berge. S'ils paraissaient ne pas m'avoir remarqué, j'éternuais pour attirer leur attention, ou bien je me déplaçais à un endroit où ils ne pouvaient pas ne pas m'apercevoir. Et dès que j'étais sûr d'avoir été repéré, Je bâillais et je m'étirais sans retenue et manifestais par divers autres signes le puissant ennui que sécrètent les voyages. Je me gardais bien de porter un chapeau et veillais à rester exposé au vent et au soleil parce que je voulais acquérir le visage bronzé et buriné de celui qui a beaucoup roulé sa bosse. Avant le midi du second jour, je connus une joie qui m'emplit de la plus pure gratitude. Je découvris que ma face et mon cou commençaient à peler et à se couvrir de cloques. J'aurais aimé que les garçons et les filles de mon village puissent me voir ainsi. Nous atteignîmes Louisville en temps et en heure, ou du moins les environs de Louisville. Nous nous échouâmes de belle façon sur les rochers au milieu du fleuve et restâmes là 4 jours. Je commençais alors à me sentir membre à part entière de la grande famille du bateau, une sorte de jeune fils du capitaine et de frère cadet des officiers. L'expérience d'un apprenti pilote. Entre les 4 jours qu'il resta échoué sur les rochers à Louisville et divers autres retards, le pauvre vieux Paul Jones perdit environ 2 semaines dans son voyage de Cincinnati à la Nouvelle-Orléans. Cela me donna l'occasion de faire la connaissance de l'un des pilotes qui m'apprit à gouverner le bateau, rendant la fascination qu'exerçait sur moi la vie sur le fleuve plus puissante que jamais. Je découvris bientôt 2 choses. D'abord, qu'aucun bâtiment n'était susceptible de partir pour l'embouchure de l'Amazone avant 10 ou 12 ans. Ensuite, que les $9 ou $10 qui me restaient en poche ne suffiraient pas à m'offrir une exploration aussi grandiose que celle que j'avais projetée, même si j'avais les moyens d'attendre un navire en partance. Il me fallait donc imaginer une autre carrière. Le Paul Jones partait maintenant pour Saint-Louis. J'organisai le siège de mon pilote, et 3 jours de harcèlement vinrent à bout de sa résistance. Il accepta de m'enseigner le Mississippi, de la Nouvelle-Orléans à Saint-Louis, pour la somme de $500, payable sur le premier salaire que je recevrais après avoir obtenu mon brevet. Je me lançai dans la modeste entreprise qui consistait à apprendre 12 ou 1 300 milles du Grand Mississippi avec le flegme et la confiance de mon âge. Le bateau quitta la Nouvelle-Orléans en marche arrière à 4 heures de l'après-midi et nous fûmes de quart jusqu'à 8 heures. Mr. Bixby, mon chef, le redressa et le mena le long de la poupe des autres bateaux au mouillage, puis il me dit « Bon, maintenant, prends-le, fais-le raser ses vapeurs d'aussi près que possible, comme si tu pelais une pomme. » J'attrapai le gouvernail et mon cœur se mit à battre à plus de 100, car j'avais l'impression que nous allions racler le flanc de tous les bâtiments alignés, tant nous étions près d'eux. Retenant ma respiration, je me mis en demeure de dégager le bateau de ce dangereux encombrement. J'avais mon opinion personnelle sur le pilote qui avait eu la sottise de nous mettre dans une situation aussi périlleuse, mais je me gardais bien d'en faire état. En 30 secondes, j'interposais une bonne marge de sécurité entre le Paul Jones et les vapeurs, et 10 secondes plus tard, je tombais en disgrâce. Mr. Bixby courait à nouveau les plus grands dangers et m'étripait verbalement et maudissait ma lâcheté. Je fus blessé, mais obligé d'admirer l'assurance olympienne avec laquelle mon chef allait indolemment d'un côté à l'autre de la barre, longeant les coques de si près qu'une catastrophe paraissait imminente à chaque instant. Lorsqu'il se fut un peu radouci, il me dit que les eaux calmes étaient proches de la rive, que le courant, lui, était au loin, et que nous devions donc remonter en serrant la berge pour profiter des premières et, lorsqu'on descendait le fleuve, rester à distance du bord pour bénéficier du second. Dans ma tête, je décidai d'être un pilote d'aval et de laisser la navigation d'amont à ceux qui ignorent le sens du mot « prudence ». Quand nous eûmes remonté le fleuve sur 700 ou 800 milles, j'avais appris à être un timonier d'amont relativement courageux pendant le jour. Et avant notre arrivée à Saint-Louis, j'avais fait de légers progrès dans la navigation de nuit. Oh, si léger. J'avais un calepin surchargé de noms de villes, de pointes, de barres, d'îles, de boucles, de sections droites, etc. Mais ces informations ne se trouvaient que dans mon carnet. Il n'y en avait pas une seule dans ma tête. J'étais peiné à l'idée que je n'avais des notes que pour la moitié du fleuve, car notre quart comportant 4 heures de service et 4 heures de repos, le jour et la nuit, il y avait un long blanc de 4 heures dans mon carnet, correspondant aux heures passées à dormir depuis le début de notre voyage. Mon chef fut ensuite engagé sur un gros bateau de la Nouvelle-Orléans. J'ai rangé mes affaires dans mon sac et je suis parti avec lui. Le bâtiment était monumental. Installé dans la cabine de pilotage, je me trouvais si haut perché au-dessus du fleuve que j'avais l'impression d'être au sommet d'une montagne. Et ses ponts s'étendaient si loin vers l'arrière et l'avant que je me demandais comment j'avais pu considérer le petit Paul Jones comme un grand vapeur. Il y avait aussi d'autres différences. La cabine de pilotage du Paul Jones était un misérable local branlant, complètement délabré, où l'on avait peine à se mouvoir. Mais celle-ci était un somptueux temple de verre, assez spacieux pour qu'on y puisse danser, avec aux fenêtres des rideaux rouges et or tape à l'œil, un sofa imposant, des coussins de cuir et une banquette à haut dossier où les pilotes qui nous visitaient s'asseyaient pour raconter leurs histoires et regarder le fleuve. Des crachoirs de cuivre étincelant aux formes biscornues au lieu d'une grosse caisse de bois remplie de sûre. Un beau linoléum flambant neuf sur le plancher. Un gros poêle accueillant pour l'hiver. Une barre aussi haute que moi, richement marquetée. Une drosse de barre de gouvernail en fil d'acier, des boutons de cuivre brillants pour les cloches, et un impeccable serveur noir affecté au Texas pour nous apporter des tartes, des glaces et du café au milieu de chaque quart, de jour comme de nuit. C'était vraiment quelque chose. Et je retrouvais le courage de croire qu'après tout, le métier de pilote comportait une part de romanesque. Take this hammer and cast him a castle. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. Take this hammer and cast him a captain. Tell him I'm gone. Just tell him I'm gone. I'm sure he's gone. Les perplexités d'un apprenti. Au terme d'une période qui me parut bien ennuyeuse, j'étais parvenu à me farcir la tête d'îles, de villes, de bars, de pointes et de coudes, et tout cela formait une masse compacte et sans vie. Cependant, comme j'étais capable de débiter les yeux fermés un fort long chapelet de ces noms sans omettre plus de 10 000 de fleuves sur 50, je commençais à croire que je n'aurais pas de mal à diriger un bateau jusqu'à la Nouvelle-Orléans, si seulement je pouvais le faire passer par-dessus ces petits trous. Mais, évidemment, à peine ma vanité m'avait-elle fait lever ô combien peu le bout de mon nez en l'air, que Mr. Bixby trouvait une bonne raison de me le faire baisser. Un jour, il se tourna soudainement vers moi et me régla mon compte avec la question suivante. « Quelle est la forme du coude du noyé ?» Il aurait aussi bien pu me demander ce que ma grand-mère pensait du protoplasme. Je réfléchis respectueusement, puis répondis que j'ignorais qu'il eût une forme particulière. Mon canonnier de chef envoya un boulet, naturellement, puis continua à recharger sa pièce et à faire feu jusqu'à ce qu'il eût épuisé ses épithètes. Je savais depuis longtemps qu'il ne transportait qu'une certaine quantité de projectiles et que, une fois à court de munitions, il s'apaisait immanquablement jusqu'à n'être plus qu'un vieux canon lisse, peu agressif et même enclin au remords. Le mot « vieux » est ici un simple terme d'affection. Il n'avait pas plus de 34 ans. Au bout d'un moment, il dit « Mon garçon, tu dois connaître la forme du fleuve à la perfection. C'est tout ce que tu as pour t'aider à te diriger quand la nuit est très noire. Tout le reste a disparu sans laisser la moindre trace. Mais attention, le fleuve n'a pas la même forme la nuit que le jour. Alors, comment vais-je pouvoir faire pour l'apprendre ? Comment fais-tu pour suivre un couloir chez toi dans le noir ? Tu ne le vois pas, mais tu connais sa forme. » Est-ce que vous voulez dire qu'il faut que je connaisse les millions de variations minuscules des contours de ce fleuve sans fin, aussi bien que la forme du couloir d'entrée chez moi? Sur mon honneur, tu dois les connaître mieux encore que personne n'a jamais connu les couloirs de sa propre maison. J'aimerais mourir. Écoute, je ne veux pas te décourager, mais... Allez, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, autant tout me dire maintenant. Tu comprends, tout ça, il te faut l'apprendre. Pas moyen de faire autrement. Une nuit claire, bien étoilée, jette des ombres si épaisses que si tu ne connais pas parfaitement le dessin d'une berge, tu t'éloigneras à toute allure de chaque bouquet d'arbres parce que tu auras pris son ombre noire pour un morceau de promontoire et tu auras la frayeur de ta vie toutes les 15 minutes pendant ton quart. Tu te trouveras tout le temps à 50 yards de la rive quand tu devrais n'en être qu'à 2, pas plus. Il est impossible de distinguer un chicot avec des ombres, mais toi, tu sais exactement où il est et la forme du fleuve t'indique à quel moment tu arrives dessus. Et puis il y a les nuits d'encre. Le fleuve est très différent ces nuits-là de celles où il y a des étoiles. Les berges, toutes les berges, ont l'air d'être alors des lignes droites et on ne les voit presque pas. Et tu ne manquerais pas de les serrer comme des lignes droites si tu ne savais pas ce que tu sais. Tu mènes audacieusement ton bateau en plein dans ce qui semble être un mur droit, bien solide. Mais toi, tu sais qu'en réalité, il y a un coude à cet endroit. Et ce mur recule et s'évanouit pour te laisser passer. Et puis, il y a les brouillards gris. Prends une de ces nuits où ces sinistres brouillards gris sont mêlés de bruines. Eh bien, la rive, alors, n'a plus aucune espèce de forme. Plus aucune. Ces brouillards vous emmêleraient les idées de l'homme le plus expérimenté qui ait jamais vécu. Et puis il y a aussi toutes les variétés de clair de lune qui modifient la forme du fleuve de bien des manières. Je me mis donc en devoir d'apprendre la forme du fleuve. Et de tous les objets fuyants et insaisissables dont j'ai tenté de me rendre maître par l'esprit ou avec les mains, je n'en ai pas connu de plus redoutable. Je fixai mon regard sur l'extrémité effilée d'une pointe boisée qui s'avançait loin dans l'eau à quelques milles devant moi, et je m'efforçais laborieusement d'en imprimer la forme dans mon cerveau. Et au moment précis où je commençais à y parvenir de façon satisfaisante, nous nous approchions d'elle, et cette chose exaspérante se dissolvait et se renfonçait dans la berge. S'il y avait eu un arbre mort, bien en vue, dressé à l'extrémité de ce cap, je découvrais que l'arbre, à présent impossible à distinguer, se fondait dans la masse de ses congénères, et quand j'arrivais à sa hauteur, occupait la partie médiane d'une rive rectiligne. Nulle éminence ne conservait sa silhouette assez longtemps pour que je puisse décider de ce qu'était véritablement cette silhouette. Mais elle se décomposait et se métamorphosait comme si elle eût été une montagne de beurre dans la plus chaude région des tropiques. Rien dans le paysage, lorsque je descendais le fleuve, n'avait le contour qu'il possédait quand je l'avais remonté. Je fis part de ces petites difficultés à Mr. Bixby. Il me dit « C'est la grande vertu de la chose. Si les formes ne changeaient pas toutes les 3 secondes, elle ne servirait à rien. Cairo, Cairo is my baby's home. Cairo, Cairo is my baby's home. Les perplexités ne cessent pas. One bad Cairo night won't be long. J'ai aussitôt soumis ma mémoire à un tel effort que même les hauts fonds et les innombrables repères de traversée n'ont pas tardé à se graver dans mon esprit. Mais le résultat était toujours le même. À peine étais-je parvenu à assimiler une donnée compliquée qu'une autre se présentait. J'avais souvent vu des pilotes observer l'eau en affirmant qu'ils la lisaient comme si c'était un livre. Mais c'était un livre qui ne me racontait rien. Vint enfin le temps, cependant, où Mr. Bixby parut m'estimer suffisamment avancé dans mes études pour supporter un cours de lecture de l'eau. Il commença ainsi. « Tu vois cette longue ligne oblique à la surface de l'eau ? C'est un écueil. Et avec ça, un écueil à corps. Sous cette ligne, il y a un banc de sable compact, presque aussi vertical que le mur d'une maison. Il y a beaucoup d'eau tout autour, mais très peu au-dessus. Si par malheur tu le heurtais, tu écrabouillerais la cervelle de ton bateau. Tu vois ces espèces de franges à la partie supérieure de la ligne, là où elles commencent à s'effacer? Oui, monsieur. Eh bien, là, il y a de la profondeur, c'est la pointe de l'écueil. Tu peux passer dessus, tu n'abîmeras rien. Traverse maintenant et serre l'écueil de près. C'est de l'eau calme par là, sans beaucoup de courant. J'ai longé l'écueil jusqu'à me trouver tout près de l'extrémité frangée. Alors Mr. Bixby a dit « Maintenant, tiens-toi prêt. Attends mon signal. Le bateau refusera de grimper sur l'écueil. Aucun bateau n'aime les hauts fonds. Fais attention. Attends, attends, attends encore. Tiens bien la barre. Maintenant, barre à zéro. Tiens bien, tiens bon. Il attrapa l'autre côté de la roue du gouvernail et m'aida à la tourner et à la mettre dessous et à la maintenir dans cette position. Le bateau résista et refusa de répondre pendant un moment, puis il fit un bond vers tribord, escalada l'écueil et projeta à sa proue une longue et hargneuse crête d'écume. « Maintenant, ne le quitte plus des yeux. Surveille-le comme un chat, sinon il t'échappera. » Lorsqu'il se défend bec et ongles et que la barre glisse un brin avec des secousses, mais pas très brutales, lâche-lui la bride un tout petit peu. C'est sa façon à lui de te dire, la nuit, que l'eau est trop basse. Mais continue à le manœuvrer doucement vers la pointe. Maintenant, tu es exactement sur le banc. Il y a un banc sous chaque pointe parce que l'eau arrive tout autour et le remous qui se produit fait retomber les sédiments tout au fond. Est-ce que tu vois ces lignes fines à la surface de l'eau qui se ramifient comme les branches d'un éventail? Ce sont de plus petits écueils. Il suffit que tu évites leur extrémité, mais serre-les de près. Attention maintenant, fais attention, ne t'approche pas de cet endroit luisant comme une flaque d'huile. Il n'y a pas 9 pieds de profondeur par ici, il ne le supportera pas. Il l'a senti. Fais attention, je te dis, sapristi, nous y voilà. Arrête la roue de tribord, vite, navire acculé, acculé. Les cloches des machines se mirent à tinter et les machines réagirent aussitôt, envoyant haut dans les airs, par les tuyaux d'échappement, de blanches colonnes de vapeur. Mais il était trop tard. Le bateau avait senti le banc de sable pour de bon. Les crêtes d'écume qui rayonnaient de sa proue disparurent soudain. Une puissante houle vint rouler vers l'avant et souleva la surface de l'eau devant l'étrave du bateau, qui se mit à donner dangereusement de la bande sur bâbord et fila à toute allure vers l'autre rive, comme pris de panique. Nous étions à plus d'un mille de l'endroit où nous aurions dû nous trouver lorsque nous parvîmes enfin à reprendre la situation en main. Avec le temps, la surface de l'eau devint pour moi un livre merveilleux. Un livre écrit dans une langue inintelligible pour le passager inculte, mais qui me parlait sans retenue, me confiait ses secrets les plus chers aussi clairement que si elle les exprimait à haute voix. Et ce n'était pas le genre de livre qu'on lit une fois puis que l'on met de côté. Car il avait chaque jour une histoire nouvelle à raconter. Tout au long des 1200 milles, il n'y avait pas une seule page qui fût dépourvue d'intérêt, pas une que l'on pût sauter sans perdre quelque chose, pas une que l'on eût envie de passer en s'imaginant trouver un plus grand plaisir ailleurs. Jamais main d'homme n'écrivit une telle merveille de livre, un ouvrage si prenant, si continuellement passionnant, qui brillait d'un éclat neuf à chaque relecture. En maîtrisant le langage de l'eau et en acquérant de chaque minuscule caractéristique des rives du grand fleuve une connaissance aussi familière que celle que j'avais des lettres de l'alphabet, je me trouvais posséder un bien de grande valeur. Mais j'avais aussi perdu quelque chose. J'avais perdu quelque chose qui ne pourrait jamais m'être rendu tant que je vivrais. Toute la grâce, la beauté, la poésie avaient disparu du fleuve majestueux. Je n'ai pas oublié certains miraculeux couchers de soleil dont je fus le témoin, alors que le pilotage était chose nouvelle pour moi. Une vaste étendue de fleuve rougeoyait comme du sang. À mi-distance, le rouge s'éclairant devenait un lac d'or sur lequel s'en venait flotter un tronc solitaire, noir, intense. À un endroit, un long trait oblique scintillait sur l'eau. À un autre, la surface était troublée par des anneaux qu'on voyait bouillonner et rouler avec des rutilements de toutes les nuances de l'opale. Là où le rougeoiement était le moins vif, on discernait une zone lisse, recouverte de cercles gracieux et de lignes disposées en fins rayons. La rive, à main gauche, était hérissée de denses forêts, et l'ombre charbonneuse que jetaient les rideaux d'arbres était barrée en un point par une longue traînée ondulante qui brillait comme de l'argent. Et dominant la muraille forestière, un arbre mort au tronc dénudé agitait une unique branche feuillue qui brasillait comme une flamme dans la splendeur généreusement répandue par le soleil. Ce n'était que courbes élégantes, reflets, hauteurs boisées, douces perspectives. Et sur cette scène, ici et au loin, glissait continuellement la lumière, décomposant les couleurs et enrichissant à chaque instant le tableau de tons enchanteurs toujours nouveaux. Je demeurais cloué sur place, comme envoûté, absorbant cette beauté dans une extase silencieuse. rang et dignité du pilotage. Un pilote, à cette époque, était le seul être au monde qui fut libre de toute entrave et entièrement indépendant. Les rois ne sont que les serviteurs contraints du parlement et du peuple. Les parlements sont assujettis à des chaînes forgées par les électeurs. Le rédacteur en chef d'un journal ne peut pas être indépendant. Il doit travailler une main liée dans le dos par son parti et ses lecteurs et se contenter d'exprimer la moitié ou les deux tiers de ses idées. Nul pasteur n'est libre de dire toute la vérité sans égard pour les opinions de ses paroissiens. Tous les hommes de plume sont les valets menottés du public. Nous écrivons franchement, sans crainte, puis nous modifions notre texte avant de l'envoyer à l'impression. En vérité, chaque homme, chaque femme, chaque enfant a un maître et ne cesse de geindre et de se tourmenter dans la servitude. Mais à l'époque dont je parle, le pilote du Mississippi, lui, n'avait pas de maître. Le capitaine pouvait bien se tenir sur le pont promenade dans la pompe d'une très brève autorité et lui donner 5 ou 6 ordres au moment où le navire s'engageait dans le chenal du fleuve en marche arrière. À cet instant même s'achevait le règne du patron du bâtiment. Dès lors que ce dernier était en route, il se trouvait sous le contrôle exclusif et indiscuté du pilote. Celui-ci pouvait faire avec le bateau ce qui lui plaisait, le conduire quand et là où il le voulait, et l'amarrer à la berge chaque fois qu'il jugeait que c'était la meilleure chose à faire. Il était entièrement libre de ses mouvements, il ne consultait personne, ne recevait d'ordre de personne, s'indignait qu'on puisse lui faire la moindre suggestion. De fait, la loi des États-Unis lui interdisait d'écouter les ordres ou les suggestions, considérant avec raison qu'un pilote sait forcément mieux diriger le bâtiment que quiconque. Il y avait là une nouveauté. Un roi sans garde-chiourme. Un monarque absolu qui était absolu pour de vrai et non par la grâce d'une fiction langagière. J'ai vu un garçon de 18 ans conduire en toute sérénité un gros vapeur à ce qui avait toutes les apparences d'une destruction certaine, en présence d'un capitaine d'âge mûr qui regardait en silence au comble de l'inquiétude sans pouvoir intervenir. Dans ce cas précis, son intervention aurait pu être une excellente chose, mais l'autorisé aurait créé un précédent tout à fait pernicieux. On imagine facilement, vu l'autorité sans limite qui était la sienne, quel important personnage était le pilote à l'âge d'or de la batellerie à vapeur. Il était traité avec une courtoisie appuyée par le capitaine et avec les plus grands égards par tous les officiers et le personnel du bord. Et ce respect général se communiquait vite aux passagers. D'après mon expérience, les pilotes sont à peu près les seules personnes qui n'aient jamais manifesté le moindre embarras devant des princes étrangers en voyage. Le temps des courses. With friends around and even pals that I know are true. Une coutume immuable voulait que les vapeurs quittent la Nouvelle-Orléans entre 4 et 5 heures de l'après-midi. À partir de 3 heures, on signalait les préparatifs en faisant brûler de la colophane et du pitch-pain, signe de préparation. Et l'on avait donc devant les yeux le spectacle pittoresque d'une rangée étirée sur 2 ou 3 milles, de hautes colonnes de fumée noires comme du charbon qui s'élevaient dans l'air, colonnades qui soutenaient un toit fuligineux fait de toutes ces fumées mêlées au-dessus de la ville. Chaque bâtiment en partance avait son drapeau qui flottait au mât de pavillon de Beaupré et parfois une réplique sur le mât d'arrière. Des files de 2 ou 3 milles d'officiers lançaient des ordres et des jurons avec plus de vigueur que d'habitude. D'innombrables cortèges de barriques et de caisses de marchandises franchissaient en tournoyant la levée pour atterrir sur les passerelles d'embarquement. Des passagers tard venus se faufilaient en sautillant entre toutes ces choses prises de frénésie, espérant atteindre vivant l'escalier des cabines sur le gaillard d'avant, mais doutant d'y parvenir. Des femmes portant réticules et cartons à chapeau s'efforçaient de suivre des maris chargés de sacs en tapisserie et de bébés en pleurs, mais elles se laissaient distancer, s'affolant du tourbillon, du vacarme, de la confusion générale. Des haquets et des chariots à bagages allaient et venaient en ferraillant à un train d'enfer et restaient régulièrement bloqués dans un encombrement. Et alors, pendant 10 secondes, on ne les percevait que très vaguement, cachés qu'ils étaient par les bordées d'injures. D'un bout à l'autre de ce long cordon de vapeur, chaque guindeau relié à son écoutille avant sifflait et vrombissait à vous déchirer les tympans à mesure que les marchandises descendaient dans les cales et les équipages de nègres à demi nus, ruisselants de sueur qui les manœuvraient, braillaient des chansons comme « le dernier sac », saisis d'un enthousiasme inimaginable sous l'effet de ce chaos de mouvements et de bruits qui rendait tout le monde fou, sauf eux. Le pont promenade et le pont inférieur des vapeurs était maintenant noir de monde. Les dernières cloches commençaient à tinter tout au long de la rangée de bâtiments et le brouhaha des voix semblait doubler d'intensité. Un instant plus tard venait l'avertissement final. Un tapage de gong chinois accompagné d'un cri. « Ceux qui partent pas sont priés de descendre !» Et, ô surprise, le volume des conversations quadruplait aussitôt. La foule se déversait sur le quai, renversant les retardataires excités qui essayaient de monter à bord. Encore un instant plus tard, on amenait l'armée rectiligne des passerelles, avec, à l'extrémité de chacune, l'inévitable tout dernier passager qui s'y agrippait des dents, des ongles et du reste, et l'inévitable tout dernier traînard qui bondissait sauvagement sur le quai par-dessus la tête de l'autre. À présent, une partie de ces bateaux glisse en marche arrière vers le fleuve, laissant de larges trous dans l'enfilade serrée des vapeurs. Les habitants se massent sur les ponts des navires qui restent au mouillage afin d'assister au spectacle. L'un après l'autre, chaque bâtiment remet de l'ordre dans sa tenue, rassemble ses forces et s'élance enfin, à pleine vapeur, drapeau au vent, sous des panaches de fumée noire. Tout son équipage de chauffeurs et de matelots, ordinairement des nègres à la peau très noire, massé sur le gaillard d'avant. La plus belle voix du groupe, perchée sur le cabestan, dominant ses camarades, agitant son chapeau ou un drapeau. Et tous ces hommes braillent un refrain assourdissant, tandis que les canons tirent une salve d'adieu et que les très nombreux spectateurs, eux aussi, agitent leur chapeau et poussent des vivats. Les vapeurs se mettent en rang les uns après les autres et la majestueuse procession s'apprête à prendre son essor sur le fleuve. Autant jadis, lorsque deux bateaux rapides se lançaient dans une course devant une foule importante, il était excitant d'écouter les équipages chanter, surtout si la chose avait lieu à la tombée de la nuit et que le gaillard d'avant était éclairé des feux rougeoyants des torchères. Une course de vitesse entre deux bateaux était un divertissement royal. Le public s'imaginait toujours que cette compétition était dangereuse, mais c'était tout le contraire. Du moins, ce le fut après que furent votées les lois limitant la pression autorisée de chaque bateau à tant de livres de vapeur par pouce carré. Pas un mécanicien ne connaissait un instant de somnolence ou de négligence lorsqu'il s'engageait de tout son cœur dans une course. Il était constamment sur le qui-vive, à contrôler les robinets de jauge, à veiller à tout. Le danger se trouvait à bord des bâtiments lents et paresseux, où les mécaniciens dormaient à demi. À l'âge d'or de la batellerie à vapeur, une course entre deux bateaux réputés rapides était un événement d'une importance considérable. La date en était fixée des semaines à l'avance, et dès ce jour, toute la vallée du Mississippi était saisie d'une excitation fiévreuse. Oubliez la politique et le temps qu'il fait, on ne parlait plus que de la compétition à venir. À l'approche du départ, les deux bâtiments se déshabillaient et s'apprêtaient. On faisait disparaître tout objet superflu qui ajoutait du poids ou présentait une surface de résistance au vent si le bateau pouvait s'en passer. On descendait à terre les espars et parfois même les mâts de change et on ne gardait absolument rien pour remettre le bateau à flot au cas où il s'échouerait. Quand l'Eclipse et le A.L. Shotwell firent leur grande course il y a bien longtemps, on raconte que l'on s'était donné beaucoup de mal pour gratter la dorure du panneau décoratif accroché entre les cheminées de l'Eclipse, et que pour ce voyage particulier, le capitaine s'était privé de ses gants de chevreau et fait raser le crâne. Mais ces détails m'ont toujours laissé sceptique. Si le bateau était réputé atteindre sa vitesse maximale avec un tirant d'eau de 5,5 pieds à l'avant et de 5 pieds à l'arrière, on le chargeait soigneusement en fonction de cet objectif. Après quoi, on n'aurait pas augmenté son manifeste, ne fût-ce que d'une dose de pilule homéopathique. On n'acceptait à bord presque aucun passager, parce qu'ils ajoutent du poids et qu'en outre, ils ne contribuent jamais à équilibrer le bateau. Les passagers n'ont de cesse de se précipiter sur le côté où il y a quelque chose à voir. Alors qu'un marinier consciencieux et expérimenté restera planté au centre du bâtiment et dessinera sa raie à l'exact milieu de sa chevelure avec l'aide d'un niveau à bulles. On n'embarquait ni marchandises ni passagers en cours de route, car les concurrents ne s'arrêtaient que dans les villes d'importance, et même alors seulement pour de brèves escales. Les péniches à charbon et à bois étaient retenues à l'avance et se tenaient prêtes à s'amarrer au véloce bâtiment au premier signal. On doublait les équipages afin que tout le travail pût être effectué rapidement. Quand vient le jour de la course et que tout est prêt, les deux gros vapeurs se dirigent en marche arrière vers le chenal et manœuvrent un moment pour bien se placer, chacun donnant l'impression de surveiller les plus petits mouvements de son adversaire, comme des êtres doués de sensibilité. Les drapeaux pendent, la vapeur enfermée hurle à travers les soupapes de sûreté, la fumée noire s'échappe des cheminées en lourds nuages et assombrit l'air. Des gens partout en foule compacte sur les berges, les toits, les bateaux à vapeur, les navires, et vous savez que sur les berges du large Mississippi va s'étirer vers le nord un feston de spectateurs long de 1 200 000, toute cette humanité saluant les concurrents sur leur passage. Bientôt, de hautes colonnes de vapeur jaillissent des tuyaux d'échappement des deux vapeurs. Deux canons envoient une salve d'adieu. Deux héros en chemise rouge grimpés sur un cabestan agitent un petit drapeau au-dessus de l'équipage rassemblé sur le gaillard d'avant. Deux solos plaintifs flottent un instant dans l'air, puis deux cœurs puissants éclatent, la musique. Des fanfares font sonner Hail Columbia à plein cuivre. Un tonnerre de vivats retentit sur les rives et les majestueuses créatures s'élancent et filent déjà à la vitesse du vent. Ma vie en coupe transversale. J'obtins mon brevet en temps voulu. J'étais désormais pilote de plein droit. J'entrai dans la carrière avec quelques emplois temporaires. Aucune catastrophe n'en ayant résulté, l'activité intermittente fit place à des engagements réguliers et de longue durée. Le temps s'écoulait tout uniment, sans autre avenir que de prospérité. Et j'imaginais, et espérais, que j'allais naviguer sur le fleuve pour le restant de mes jours et mourrais à la barre quand ma mission prendrait fin. Mais la guerre vint bientôt. Le commerce fluvial cessa, mon métier n'existait plus. Il me fallut chercher un autre gagne-pain. C'est ainsi que je devins prospecteur dans une mine d'argent du Nevada, puis journaliste reporter, chercheur d'or en Californie, reporter à San Francisco, puis envoyé spécial aux îles Sandwich, puis correspondant volant en Europe et en Orient, puis conférencier portant sur l'estrade le flambeau de l'instruction. J'ai fini par devenir écrivaillon, installé à demeure telle une pierre parmi les pierres de la Nouvelle-Angleterre. Il ne m'a pas fallu plus de quelques phrases pour venir à bout des 21 années qui se sont lentement écoulées depuis que j'ai regardé par la fenêtre d'une cabine de pilotage pour la dernière fois. La vie sur le Mississippi de Mark Twain. They sail the river, it's so long, deep and wide. I can see my good girl standing on that other side. Extra choisi par Pierre Sange, lu par Olivier Claverie, avec la voix d'Anne Caillère. conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière, prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Nicolas de Pagraf, Éric Villenfant. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laure Egoroff. La vie sur le Mississippi est publiée aux éditions Gallimard, dans les œuvres complètes de Mark Twain, traduction Philippe Jaworski, collection La Pléiade.